intenable insomnie. La folie me guette, je suis ce que je fuis. Je subis cette cacophonie qui me scie la tête. Assommante harmonie, elle me dit tu paieras tes délits. Qu'il advienne, on traîne ses chaînes, ses peines. Je vous maigris à la sa symphonie, au requiem. Tu en pars dépit, ce que je sais. Je sa symphonie et au blasphème, j'avoue je maudis tout ce qui s'aime. Pleure les violons de ma vie, la violence de mes envies, siphonner symphonie. Déconcertant concerto, je joue sans toucher le bout. Mon talent sonne faux. Je noie mon ennui dans la mélomanie. Je tue mes phobies dans la désharmonie. Je vous m'ennuie à la sa symphonie, au requiem. Tu en pars dépit, ce que je sème. Je vous m'ennuie à la sa symphonie et au blasphème.